La cave, épisode 18, contrat. OK. Salut Edgar. Allô Edgar. Allô 12. Merci de m'avoir amené un Gatorade. Oui, oui. Une Powerade, en fait, mais c'est rouge. Et... c'est du sucre et des glucides, des enfants qui font... des électrolytes, voilà. Des électrolytes. Ouais. Électrolytes. Puis des électrolyses. Ouais. Qu'on dirait que je me suis fait sur les jambes. Parce que j'ai jamais eu de poils de jambes. J'étais allé à la pharmacie à un moment donné, puis j'ai demandé une boisson à l'électrolyte, puis il m'a pas compris, puis il a demandé à son supérieur, on a-tu ça, des boissons électriques, puis j'avais la cave après ma diarrhée. C'est super. Hey, bonjour tout le monde. Salut. Allô, bienvenue à la cave. Oui. Épisode 823. 18, je pense. 18. Mais ça, ça se peut pas. Ça fait 6 ans qu'on fait chaud. Là, on est juste rendu à 18. L'important, c'est la qualité. Ah, et puis ils sont là, hein, la qualité. Fait qu'aujourd'hui, on parle de quoi, là? Bon, on fait une petite vite. On va voir, là, comment ça va. Moi, je reviens de vacances. Toi, tu t'en vas en vacances. Ouais, je m'en vais à Gaspésie. Wow. Est-ce que l'épisode va être sorti... ouais, je vais sûrement être en Gaspésie quand tu vas sortir l'épisode. Ou... Oui, c'est ça. Au milieu de semaine. Excellent. Ouais. Ouais, ouais. C'est l'été. Profitez-en, hein. C'est tranquille. Ouais, il fait fucking chaud. C'est un des étés les plus chauds qu'on a depuis, depuis un bon moment, là, au moins 2-3 ans. Puis on capote. Je supporte mal ça. Ouais, ça me rend agressif un peu. Ok. Ouais. Mais irritable. Ça va. Ouais. Est-ce on passe au travail. Est-ce que t'as de la clim chez vous? Ouais. Ah, ben là, t'as pas de chialer, man. Ouais. J'ai pas de clim, man. Ouais. T'as une approche très, très louable face à ça. Ouais. Tu m'as dit, comme, je vais me baigner chez mes amis, puis je pense à l'hiver, puis ouais. J'étais à la plage. Ouais. Avec mon ami Marie-Lune et son fils Bastien. OK. On a joué dans l'eau. C'était super cool. Il y avait une ambiance vraiment jazz, par exemple. Parce que, tu sais, c'est une plage un peu cheap, là. Près de Montréal? Puis, ouais, Kamouraska, c'est ça? Probablement que c'est ça. Environ à une heure de Montréal. Oui. Et, bref, c'était une plage, genre, un peu la même ambiance que jazz. Fait que, tu sais, c'était un peu, genre... comment je pourrais dire ça? Tu sais, c'est un peu cheap, puis pas tant de monde que ça, mais un peu, puis tu sais, tout le monde amène des petits parasols, puis tout. Oui, oui. Bon, mais c'était vraiment comme dans le film Jazz. C'est ça, ouais. Mm. Puis c'est, tu sais, du monde qui amène le SPAC, puis tu sais, des familles, mais des mononcles. C'est pas mal ça, les plages. Ouais, t'as raison, Bon. Oui. Mais je sais pas, il y a de quoi qui me faisait penser à Jazz dans le sens... C'était pas la Californie. C'était pas... mais il y avait des chicks en G-string. Ça m'a surpris. J'étais comme, okay. C'est rendu correct, ça. OK. Ben avant que tu dises ça, j'allais te demander si ta tension face à l'environnement jazz t'a empêché d'apprécier le moment ou la situation. Mais... pas du tout. Et je te dirais même que, man, depuis une couple de mois, je travaille là-dessus. Mm-hmm. Je me suis auto-thérapeutisé. Avec une toile que t'as faite? Oui, avec beaucoup de dessins. Beaucoup de dessins. Ouais. De requins blancs. Et ensuite, je n'avais parlé au Mystérieux Étonnant, mais j'ai joué à un jeu qui s'appelle Abzu, où tu te fais attaquer par un requin, mais qui devient après ça ton allié. Et okay. C'est un grand requin blanc. Puis ça m'a fait du bien faire ça. Et dernièrement, j'ai écouté The Shallows avec ma blonde. Qui est un film avec un gros requin blanc qui tourne autour d'une fille pognée sur une roche. Shit. Et, c'est le open water qu'on voulait. Ouais, c'est ça. C'est terrifiant pour vrai. C'est, mais ça a bien été. Fait que je pense que je suis en train de passer à travers, man. Je pense que... Cool. Puis c'est fucké parce que j'avais fait plein de dessins, un dessin par jour de requin pendant le Inktober. Mm-hmm. Puis quelqu'un m'a demandé si ça avait changé de quoi. Puis c'est con, mais à force de dessiner, t'essaies de comprendre l'anatomie et tout. Puis ce que j'avais répondu, c'est que maintenant, je suis toujours aussi terrifié de ça, mais j'y vois comme des animaux. Qu'avant, c'était juste comme un bébé, cauchemar matérialisé en être vivant, mais je voyais même pas que ça pouvait être... que ça pouvait respirer, puis que ça pouvait... Ça fait partie de la faune. Que ça fait partie d'un environnement naturel. Ouais. Et fait que... ouais, je pense que je suis en train de me guérir tranquillement. Very good. Ouais. Very good. Ouais, c'est cool. Petit pas. Mais je suis pas game encore d'écouter jazz dans... Tu sais, ils font des projections de jazz dans l'eau. Ah oui. Que c'est un écran géant, puis tout le monde est assis sur une tripe, les pieds dans l'eau. Ça, je serais jamais game. La nuit, genre. Y a-tu genre un fucker qui se passe? Ah, c'est sûr qu'il y en a un. C'est sûr qu'il y en a un. Je pourrais jamais aller là. Okay. Ça, c'est au-delà de... Ouais. C'est un peu pas cool, là, par terre. Ouais. Non, ouais. C'est sûr que ça sort de bon sens, là. OK. Ce serait quoi l'inverse de genre écouter un film avec un stimuli externe, mais cool? Ah ouais, ben tu sais comme William Castle le faisait là. Écouter le premier Teenage Mutant Ninja Turtles dans une égout en commandant de la pige. Ça serait hot en Christ. Je sais pas, c'est peut-être pas... Non, ça serait dégueulasse en vestu. À manger d'un égout, ça doit pas être cool. Ça juste être là. Ouais, non, juste être là, non, ça doit pas être cool. Hey, mais c'est une crise de bonne question, ça. Écouter un film d'avion d'un avion. Ben, écouter un film en nature, pour vrai, ça doit être cool. À l'extérieur? Ouais. Comme une projection. Ouais, tu sais, je sais qu'ils commencent à faire ça dans Schlaga, là, dernièrement. Oui. Ben, il y a des projections dehors, à Montréal depuis longtemps, mais dans Schlag, c'est quand même récent. Puis, je trouve ça cool, ça, tu sais, comme d'être tout le monde dehors, ensemble. OK. Où je peux fumer, pour une fois. T'as participé, vie. T'en as écouté? Ouais, ben, Space me font ça depuis une couple d'années, là. OK. Le film dans le parc... Puis le public réagit comment? Est-ce que c'est respectueux? Est-ce que tout le monde s'en fout? Ben, tu sais, c'est à côté de la SAT. Ouais. Fait que c'est un parc un peu weird, là. Il y a beaucoup de junkies qui vont là. Ouais, on est allé, c'est le parc de la paix, je pense. Ouais. Qui est un nom un peu imposé. C'est en face du Monument National, on est allé, Exact. J'étais allé avec des amis voir un spectacle d'humour, sur Jurassic Park, puis c'était moyen. Ah ouais, je n'ai entendu parler de ça parce que je suis allé à l'orchestre de musique de film voir Jurassic Park. Ils ont joué plein de tunes de Jurassic Park et j'ai capoté ma vie. Puis le lendemain, je vois ce show d'humour-là. Puis là, je suis comme, Chris, c'est dans le zeitgeist. Là. Il y a Jurassic Park partout. Là, probablement du nouveau film qui se mêle à tout ça, je sais pas. Bon. Mais je me demandais, c'était quoi ce show-là? C'était le ZooFest. C'était, ben, ZooFest, c'est gros. C'est plein d'humoristes, plein d'affaires... hétéroclites. Ouais. Puis c'est des gens, je pense, qui gravitent autour. Donc, qui font ça d'abord au Nacho Libre, je pense, Ciné Nacho, puis qui interprètent ou qui montrent des petits mini-numéros d'humour basés sur un film ou sur une série. Fait qu'il y en avait d'autres par la suite, mais ouais, c'est ça. Il y en avait comme 2 sur 5 de bon. Okay. Mais c'est ça, on se disait par la suite qu'il y avait comme des vrais fans avec leur t-shirt Jurassic Park, puis il y en avait. T'sais, la majorité des humoristes y arrivaient là, puis c'était... Ouais, ben, je connaissais pas le film hier, fait que je l'ai écouté, fait que c'est ça que j'en ai pensé, puis... Ouais. Fait que c'était pas pour les purs et durs, mais c'était divertissant, là. Mais, Julien a beaucoup ri dans la salle. OK, Julien était là. Julien PS, notre ami dessinateur, qui fait une BD dinosaure, d'ailleurs. Oui. Aventurosaure. Je sens que ça va être... Ça va bien pour vous autres, les gars, en ce moment. Ouais, ben Julien, je pense que c'est lui le prochain là, qui va devenir big. Là. Puis tant mieux, man, pour lui, je trouve qu'il mérite encore lisse. Ouais. Puis cette BD-là, écoute, j'en ai juste vu des extraits parce qu'il m'en envoie sur Facebook. Puis, Il met cœur et âme. Ouais, puis moi, j'ai l'impression que ça va être mon coup de cœur quand ça va sortir. Ouais. J'ai l'impression que, si, tu sais, avoir été un peu plus jeune, ça aurait été genre ma BD préférée. Là. Ouais, je pense qu'il dit ça aussi quand... Ouais, de lui-même. Là. C'est ça, c'est fait avec cette intention-là. Là. Ouais. C'est pas une BD. Il va voyager dans le temps pour se la donner. Exact, ouais, exactement. Puis, je veux dire, tu sais, l'ambiance, c'est vraiment, tu sais, c'est très inspiré de Zelda, mais avec sa touche personnelle. Mm-hmm. Tu sais, il y a du Miyazaki là-dedans, il y a du Aventurosaure, allez checker ça. Likez la page Facebook, puis moi, c'est j'achète une copie quand ça sort, c'est sûr. Ouais. Je pense que ça sort bientôt, en plus. Je pense à l'automne, je pense que terminé, là, ouais, il y a en couleur, je pense. Ben ouais, c'est ça. Fait que, ouais. Il déménage bientôt, en plus. Fait que, je pense pas, Julien, on t'aime. Ben ouais, man. C'est un de nos rares auditeurs, je pense. Fait qu'il va entendre ça, là. Ok. Ouais. Laisse un commentaire, Julie. Ouais, c'est ça. Sois le seul là, qui va me laisser un commentaire. Ouais. Fait que, ben voilà, on est toujours aussi des contrats. Tu m'avais proposé un sujet super intéressant, un peu sorti des limbes. Puis, quand je partais en vacances, puis tu pars en vacances, puis j'ai réalisé que, ouais, je vais m'y replonger, puis je pense que je vais avoir des choses à dire. Je vais peut-être parler un peu plus que toi. Fait que je t'ai contre-proposé une série de jeux pour alléger cet épisode de juillet. Ouais, ouais, ouais. On parlait de contrat. Ouais. En haut, en bas, en bas. Gauche, droite, A. B.A. B.A. B.A. Selectable. C'est pas ça. Juste B.A., je pense. Tu le connais-tu par cœur? Oh, baba, gauche, droite, B.A. OK. Puis le pire, c'est que Select Start, le Select, c'était pour choisir deux players, puis le Start, c'est pour partir la game. Ben oui. Fait que ça faisait pas vraiment partie du code. Ouais. Fait qu'on parle du célèbre code Konami, qui a eu certaines variantes dans les jeux, mais qui a été instauré avec Contra, avec Gradius, avec d'autres jeux par la suite. Fait que dans le premier jeu de Contra, ça te donnait 30 vies, comparativement aux 3 vies que t'as en partant avec le jeu. Mm. Ouais. Mais toi, t'es hardcore, tu l'as déjà passé juste avec tes 3 vies. J'ai déjà passé sans perdre une vie, oui. Ça a été un moment que j'ai vécu tout seul. Ouais. C'était un bon moment. Je jouais au jeu. J'ai beaucoup joué à ce jeu-là. Puis, le premier, là, on parle. Oui, on est, parce que c'était la version d'arcade qu'on connaît moins, je pense, sortie en 87. Ensuite, la sortie NES 88. Que je considère meilleur sur plusieurs plans. Mm. Mais c'est ça, c'est certain que si vous avez grandi dans le Nintendo, sûrement vous avez déjà vu ça. Ça met la base pour le jeu de plateforme, ouais, qu'on appelle le Run and Gun. C'est un personnage, puis tu tires. Puis les méchants. Un des premiers jeux et un des rares co-op simultanés, c'est-à-dire, oui, qu'il y avait Mario avant, que, oui, c'était un après l'autre, mais là c'était en même temps. Et quand un des amis, un des deux joueurs n'avait plus de vie. C'est dans... souvent ça, les souvenirs. Ouais. Mais quand un des deux joueurs n'avait plus de vie, il pouvait en voler à son chum. Ouais. Puis on a tous déjà vécu le moment où c'est que on meurt, l'autre est rendu un bout de full tough, puis on est comme, man, je peux-tu te piquer une vie? Puis l'autre fait comme, ouais, fuck it, ouais, vas-y. Puis finalement, on meurt pareil. Fait qu'on lui a piqué une vie pour rien. Puis ça rend ça encore plus tough. Puis l'autre crève. Puis là, tu fais comme, oh, je t'avais pas volé une vie, tu l'aurais peut-être eu. Puis... ouais. Fait que ça, on a tout vécu ce moment-là. Mais moi, j'ai des super bons souvenirs du premier contrat, en fait. Mm-hmm. C'est dans le memory lane de toutes les espèces de clichés de notre enfance. C'est le jeu que on s'était rendu à la fin, puis il était rendu super tard, puis tu passes pause, puis le Nintendo run toute la nuit. Ah, là, oui. Puis que le lendemain matin, il est bouillant, puis on continue, puis c'était extrêmement intense. J'avais l'impression de jouer à quelque chose de sérieux, qui était pour adultes. Le ton était vraiment... T'étais investi. Oui, puis le ton, tu sais, je parle de l'esthétique, était vraiment inspiré des films des années 80, particulièrement les films d'Arnold Schwarzenegger, tu sais. Oui, juste la pochette, ça crie ça, puis ça a été comme copié un peu une pause qu'il a fait dans un film, puis oui, ça crie, Commando, ça crie Predator, Commando, puis ouais, tous ces films-là. Predator, ouais, ça, c'est raison. Oui, puis... Exact, tout le côté sci-fi, démoniaque, donc il y a du Aliens aussi là-dedans, il y a du Predator, c'est des gros dudes, man, full musclés en chest, avec de ces grosses machine guns, qui, tu sais, qui crient en courant vers son ennemi, en tirant dessus. Fait que c'est ça l'esthétique. Puis, c'est la base, mais ça en fait un sacré bon jeu. Ben oui, ben oui. Puis moi, je trouve que ça fit ce genre d'univers-là pour ce type de jeu-là, parce que c'était pas enfantin. Quand t'es enfant, tu jouais à ça, t'as l'impression de jouer un film pour adultes. Et il y avait quelque chose d'encore plus beau, pas plus beau, mais qui confirmait ce que je viens de dire, c'est que quand tu passes le jeu, t'as une petite animation d'un hélicoptère qui s'en va, et t'as un générique de film, et c'est la première fois que je voyais ça de ma vie. Ah oui. Puis j'avais réagi comme « Waouh, ça finit comme un film! » Fait que j'avais l'impression que je venais de jouer un film. Fait que t'avais réussi à le passer à ton jeune âge? Avec mon cousin. Ah oui? Ouais. Puis honnêtement... Quand même, pareil. Ouais. Puis honnêtement, je me rappelle pas... Moi, j'étais vraiment moins bon que lui. Fait que je me rappelle pas que j'étais vivant à la fin. OK. Mais d'après moi, oui. Mais avec le code? Oui, avec le code. Okay. L'écran de vie, ouais. OK. OK. C'est ça, il est pas si long, je pense que c'est ce niveau. C'est ce niveau. Ouais. Puis c'est ça, j'ai beaucoup joué, mais c'est un jeu qui s'apprend, puis tu peux comme prédire un peu l'emplacement des ennemis, même s'il y a beaucoup d'éléments aléatoires, les balles qui partent un peu partout, puis tu peux... Tu sais, je joue quand même assez régulièrement, puis ça m'arrive de mourir. Ah oh ouais, c'est même si je l'ai déjà fait. Le style de tableau des chutes, là, qui est un tableau à la verticale, là, ouais, que tu montes. Ouais. Man, puis ça, on n'arrêtait pas de se faire crever, parce qu'évidemment, si... Le premier player. Ça devient plus dur à deux parce qu'il faut que tu t'attendes. C'est ça. Puis il essaie d'attendre à un spot quand il y a 10 millions de balles partout puis des ennemis qui. Puis, tu sais, c'est ça. Ça devient fucking tough. Mais, une autre affaire, tu sais, même si graphiquement le jeu était vraiment beau pour l'époque, la musique, man. La musique du premier. Oui. C'est une des soundtracks les plus mémorables du Nintendo. Toutes les bandes qui font des covers de Nintendo ont fait une toune de contrat. Ah oui, c'est clair. C'est la toune du boss final, là, elle est folle. Puis le fameux... Quand on passe au niveau, ça... C'est ça. Ça fait du bien. Mais ça... Ah, t'es trop jeune pour prendre une gorgée de bière entre chaque niveau, mais... gorgée de Kool-Aid. Ouais, petite gorgée de... Sûrement de coke. Parce que, genre, on était... hyper. Fait que ça, c'est le premier. Moi, après ça, je pensais que c'était le top. Jusqu'à temps que je découvre Super Contra sur le Super Nintendo. Ouais, Super C qui est la suite. Alien Wars. Non, ça, non? C'est le 3 au Super NES Alien Wars. Moi, c'est de ça que je parle, non? Super C, c'est le deuxième au NES. Celui-là, je le connais pas. OK. Il est sûrement déjà joué quand j'étais kid, mais... Ils ont fait une version arcade aussi avant. C'est très similaire à Contra. Je dirais une des innovations, des choses qu'il n'y avait pas dans le premier, c'est chaque niveau est entrecoupé d'un niveau à part entière d'une vue de haut. Fait que c'est du top-down. Fait que ça change un peu la mécanique. Ouais. Parce qu'ils ont tout le temps fait ça entre les niveaux, il y avait tout le temps, même dans le premier... Il y en a deux des sections, une espèce de faux 3D que tu avances, puis la perspective avance à mesure. Là. Ouais, espèce de tunnel où il faut que tu tires des... Des ninjas qui font des roulades? Non, ben c'est des ennemis qui ont des guns comme toi, mais tu tires des espèces de boules d'énergie pour déverrouiller les portes et avancer plus loin, puis c'est ça. Fait que le Super C, très similaire, un peu, je sais pas s'il est plus dur, peut-être parce que j'ai moins joué, mais il se passe. Peut-être qu'on n'avait pas vu ça avant, mais tu pars avec la mitraillette standard, puis t'as souvent comme des espèces de petits trucs qui flottent dans les airs que tu peux tirer, puis c'est souvent des armes, donc des upgrades, puis différentes armes, tu peux avoir le laser, tu peux avoir... Le feu, puis l'iconique, le S, le spread gun, qui tire à trois endroits. Exact, ça c'est celle-là. Ouais, c'est l'arme qu'on veut. Ouais, exact. Ouais. Puis ce qui différenciait aussi des autres jeux, c'est que un coup, une balle, et t'es mort. tu perds une vie. T'as pas de barre d'énergie. Ouais, c'est ça. Fait que je pense que c'est pour ça que les gens qui connaissent moins bien le jeu disent « Ah, c'est un des jeux les plus durs que du NES ou que j'ai jamais joué », mais je suis pas nécessairement d'accord, même si j'ai joué beaucoup. Je pense que ça prend, puis je pense que Castlevania ou Megaman, je trouve ça personnellement plus dur. Mais... Ah ouais, ouais. Fait que c'est nouveau, c'est comme brut. Pas une balle, puis t'es mort. Ouais, ouais, tu peux ouais. mourir comme en 20 secondes sur le premier niveau. Là, ouais. Okay. Fait que celui-là, je le connais moins, mais, ouais. mais le celui sur le support de Nintendo s'appelait juste Contra Alien Wars. Contra 3 The Alien Wars. Ah, ok, ok. Ouais. Et celui-là, pour moi, ça a été une estie de révélation parce ouais. que c'est l'époque où j'avais vu aussi les gros films de Verhoeven, dont Robocop et Total Recall. Mm-hmm. Puis il y a vraiment quelque chose de ces films-là qui se retrouvent dans le jeu. Tu sais, un moment donné, je t'avais parlé, genre, tu sais, comme du gros béton brut, là. Tu sais, c'était ce genre de sci-fi-là, là, qui a de l'air. Béton! Ouais, qui a de l'air pesante, là. Tu sais, c'est des gros crises de gun, pis c'est pas tout slick, pis. Non, non, c'est avant l'ère digitale. Fait que, tu sais, la vision du futur, c'était comme. Mm-hmm. Des encore plus gros buildings, pis des plus gros chars, pis des ouais. plus grosses machines, ouais. pis. T'sais, des tanks avec des lance-flammes dessus, pis... T'sais, les chars dans Total Recall, c'est rien d'aérodynamique, là. C'est comme super carré. Ben là. Oui. Ben oui, exact. Ça régresse. Ouais. Pis c'est ça, je faisais une espèce d'association. OK. Pis ça, je pense qu'on en a déjà parlé à la cave. Ah non, c'est quand j'ai passé à Planète Sauvage. OK. Oui. On a fait, d'ailleurs, on a contribué tous les deux à un des épisodes de jeux vidéo, de 35 heures de jeux vidéo. Oui. Et j'avais mis une tonne de Super Contra, de Alien Wars. Et j'avais parlé de cette pièce-là parce que dans la pièce. Oui, Edgar. Edgar veut participer au podcast. Ça va. Non. pis ça, c'est toujours comme ça, hein. Fait que, à un moment donné, on sait pas quoi faire, hein. On va, à un moment donné, on va aller chez une petite mamie, là, pis on va oublier ça, là. C'est que dans la toune, dans le fond, c'est timé pour mm-hmm. qu'il y ait un moment, comme, plus apaisant dans la musique. Si t'arrives à un certain point dans le niveau, ça déclenche. Un changement dans la trame sonore. Ben, c'est que ça te fait à croire que ça déclenche mm-hmm. ça. Mais c'est juste timé en sorte que quand t'arrives à ce moment-là dans le tableau, mm-hmm. la musique change. Ouais. Mais évidemment, si tu restais au début du jeu puis t'avançais pas, la toune s'en rendait là pareil. Okay. Mais ça te donnait l'illusion que la musique était modifiée dépendamment de ce que tu vivais dans le mm-hmm. tableau. Puis c'est la première fois que je vivais ça. Puis c'était pour vrai, là, c'était comme... C'est un feeling, là. Quand t'es rendu là, là, t'as l'impression de jouer un film. Là, encore ça l'aide à ponctuer vraiment ton expérience à laquelle tu participes. C'est là. Ça, tu sais. Puis, vu que c'est un jeu vidéo, ça se permettait tous les fantasmes des action heroes qui pouvaient pas se permettre ça dans les films parce que c'était trop over the top pis ça aurait été infilmable, mais genre, ton héros, il swing dans les airs de missile en missile. Oui, ça approche, ça accroche à des missiles pour rester comme dans un endroit semi-fixe pour battre la machine ou le boss qui est là. C'est ça. C'est un des bouts de tough, tu trouves ouais, ça? Oui, il est tough. Ouais. Et c'est mon préféré, je pense, dans toute la gang. Oui, je pense que c'est pas loin après le premier. Là. Je pense que j'ai plus connu ça. J'avais vu Contra quand j'étais plus jeune, mais je pense que le 3 au Super NES, je suis un peu plus vieux, demi-adolescent, puis ça m'a comme rappelé Contra, puis ensuite, je suis peut-être allé replonger ouais, plus ouais. tard. Ouais. Mais c'est lui que l'impact a été le plus fort. Là. Ouais. Ouais. Puis, je sais pas si tu en avais parlé, un de mes projets, puis c'est drôle parce que c'est justement dans le Zeitgeist présentement, il y a comme un retour à Rob Liefeld cet année. T'es vraiment là-dessus, c'est ouais, juste ouais, toi? Je suis complètement obsédé par ça. Tu dis qu'il y a un retour, mais c'est juste toi. Non, non, okay. non, c'est ça, je te dis, man, c'est malade. J'ai aucune idée, c'est la conscience collective, j'ai aucune idée c'est quoi. Moi, ça fait comme 10 ans que je rêve de faire une BD basée sur un de ces univers. Et présentement, il y a plein de créateurs indépendants qui se réapproprient ces univers-là, puis qui en font des chefs-d'œuvre. Mais Rob Liefeld n'est pas impliqué, il participe. Ben pas. Oui, il est impliqué, oui. Il est super impliqué, puis il encourage les jeunes à jouer dans son terrain de jeu avec ses jouets, dans le fond. OK. Mais lui, il contribue pas au produit. Ben, c'est-à-dire qu'il back parce que c'est ses créations, puis oui. Il est là en tant que superviseur, maintenant. OK. Puis il va souvent ajouter des petites illustrations, mm-hmm. puis des petits trucs. Là. Dernièrement, il a créé Pouch Man. Oui, que j'ai parlé au mystérieux. Et bref, si j'avais à jouer dans cet univers-là, je le traiterais un peu exactement le traitement de Alien Wars. C'est-à-dire super over the top, des gros action heroes huilés qui crient en tirant dans les airs, pis tu sais, genre, ce ton-là, là, que je pense qui est magnifique. Tu sais, ces films-là sont, ils ont quelque chose de, comment tu dis ça? Tu sens qu'il n'y a pas de compromis derrière, tu sais. Je pense à Commando, tu sais, ce type de film-là, que c'est comme exactement ce que ça voulait être, là. Oui, puis ça se tient parce que c'est ça. Ben oui. Fait que... Je sens que bizarrement, même si même s'il tentait de faire quelque chose de similaire aujourd'hui, ça... Je sais pas pourquoi, mais ça ne marcherait pas. Ben, c'est drôle que tu dises ça, parce que... Sans faire un remake comme le... comme un nouveau remake de Predator qui s'en vient et qui n'a pas l'air intéressant. Ben, c'est drôle que tu dises ça parce que je pense qu'il y a des films qui l'ont fait. C'est qu'en fait, un peu comme Turbo Kid l'était avec les films des années 80, c'est que si tu le fais avec le respect mm-hmm. du matériel de base, je pense qu'à ce moment-là, ça y donne un âme. Si tu le fais juste comme en joke pour wink-wink devant mm-hmm. tout le monde, faire comme hey, vous rappelez-vous de ce passe-là, comment que ça l'est, ou de juste être une parodie, ouais, à ce moment-là... Juste profiter de l'engouement pour faire du cash. C'est ça. T'sais, à ce moment-là, je pense que c'est moins intéressant. Mais un film qui a fait ça, moi, je trouve qu'il était fortement inspiré de Verhoeven, c'est Le Dernier Dread. OK. Le film de Judge Dredd, le titre officiel, c'est genre Dredd 3D. 3D, ouais. Mais tout le monde appelle le film juste Dredd, donc c'est pas celui avec Stallone. C'est ça, il y en a juste eu deux, dans le fond. Ouais. Ouais. Puis c'est un film qui, pour moi, va toucher là, ce même genre de sensibilité-là. OK. Qui est pas une parodie du genre, mm-hmm. mais qui est une lettre d'amour un peu à ce genre de action flick-là. Okay. Très hard, très violent, encore une fois, des gros buildings en béton. Mm-hmm. très satisfaisant. Ouais, c'est okay. ça. OK. Ben, je vais regarder. Ouais. Et Edgar aussi. Mais oui, il va miauler sa vie comme un action hero. Ouais. Fait que, puis après ça, ben, t'avais-tu de quoi à dire sur Alien Wars ou tu voulais-tu... Je l'ai redécouvert il y a quelques temps, puis j'ai essayé de... C'est ça, c'est vraiment des jeux qu'il faut apprendre. Ouais. Que chaque section ou chaque ennemi a comme son pattern. Ouais. Ouais, fait que... Mais le dernier boss, il est quelque chose, puis il est pas exactement tout cadré, puis c'est pas encore te faire avoir, là, fait que... J'aimerais ça la prochaine fois que je vais chez vous, qu'on essaye, oui. Ouais. Parce qu'il y a une couple d'années, je l'avais downloadé sur la Wii, ouais. sur le Virtual Console. Puis il est inclus dans le Super NES Mini qui est sorti. OK, ouais. Cool. Puis je l'avais essayé au chalet, justement, avec mon cousin. Puis, Chris, on était bon, mais on n'avait pas réussi. OK. On n'avait pas réussi à le finir. On se faisait tout le temps pogner, là, genre à l'avant-dernier tableau. Là. OK. Puis on faisait le code des 30 vies et tout, là. Je pense qu'il n'y en a pas dans le 3, non? Ah ouais, ça se peut. Ouais, je pense que t'as raison. Ouais. On peut... Mais tu peux monter les vies. On peut avoir des vies, oui. Ouais, avec les ça. Points en tuant, puis il y a certains endroits dans certains niveaux où tu peux... C'est très long, là, mais si, mettons, tu laisses ton doigt sur le bouton, puis tu vas te coucher, puis tu reviens deux jours, ben, t'as 30 vies, là. Mais, ouais. C'est ça, je pense que le nombre limite de vies que tu peux avoir, c'est 30, mais il n'y a pas de code pour y avoir accès. Ouais. Okay, ça, je pense que t'as raison, ça me dit quoi. Mm-hmm. Juste finir pour le 3 que la compagnie Mondo a sorti la trame sonore en vinyle pour les collectionneurs et audiophiles. Ouais. Nice. Puis c'est le chiptune de l'époque, c'est pas genre. C'est la trame sonore originale. Ouais. Ok. Oui. C'est pas repris par un band ou un orchestre. Non, non. Fait que c'est un très beau produit, toujours cher avec Mondo, mais si vous mettez la main, c'est bien. Avec une illustration originale de l'artiste Meshup, je ne l'ai pas devant moi, mais c'est très bien. Ah, mais j'aimerais ça que tu le mettes sur le Facebook, ça m'intéresse de voir ça. Ouais. Cool. Veux-tu mettre une toune, justement? Ben oui, puis ça a rapport parce que avec ce que je viens de dire, parce que en fait, je vais mettre une pièce d'un album qui s'appelle Drock, D-R-O-K-K. OK. Et Drock, ça veut dire « fuck » dans l'univers de Judge Dredd. Ah ouais? Oui. Et en fait, c'est assez particulier parce que le dernier film a été écrit par Alex Garland, qui a aussi réalisé Ex Machina et dernièrement Annihilation, qui sont, d'après moi, deux chefs-d'œuvre. Mm-hmm. Alex Garland, c'est aussi lui qui a écrit 28 jours plus tard. Il a écrit un paquet de trucs. Puis, sur ce film-là, il est crédité comme écrivain, mais c'est aussi supposément lui qui aurait réalisé le film, même s'il n'est pas crédité. Et pour la musique, il a fait appel à Ben Salisbury et Jeff Barrow. Qui est Jeff Barrow? C'est le gars de Portishead? C'est le gars de Portishead! Ah, ouais. Et il lui a demandé de créer une trame sonore, puis il a dit « Je veux que vous fassiez ce que vous voulez, vous avez carte blanche. » Ah oui. Il lui a demandé d'écrire la trame sonore avant de commencer le tournage. OK. Donc, il voulait jouer cette musique-là pendant qu'il tournait les scènes. Hmm. Les gars, ils ont travaillé comme pendant un an là-dessus. Et eux voulaient fortement... C'est des maniaques du comic book de 2000 AD. Okay. Puis ils voulaient fortement s'inspirer de John Carpenter. Donc, on va écouter ça. On est en jeu à l'intérieur. Ouais. On a essayé dehors, mais non, ça a chié. Bon foi. Mais on fera un test là, en enlevant le tone room dehors, si c'est possible. Là. Mais en même temps, ça peut être cool, une petite ambiance, que tu entends les oiseaux. Les enfants. L'affaire, c'est qu'il y a tout le temps des avions hein, chez nous. Ah oui? Ouais. Bon, on n'a pas entendu une depuis... Ouais, c'est parce que tu n'as pas porté attention, mais il y en a tout le temps. Là. OK. Ouais. Mais à l'intérieur, on ne les entend pas, mais quand on est dehors, derrière, on les voit, puis il y en a une à peu près aux 15 minutes qui part. Oh! Ouais, c'est assez intense. T'arrives à dormir? Oui. Oui? Oui. Ben, bizarrement, moi, je trouve ça reposant comme ça. Ça c'est pas un camion, c'est comme un... C'est cool. Fait que là, on est rendu où avec tout ça, là? Le prochain contrat qui est sorti. Après le 3, je pense que c'est quelque chose qu'on a... Ben, je sais pas si tu me diras, mais j'ai connu vraiment sur le tard. Il y en a fait un au Sega Genesis, Contra Hardcore. Ouais. Qui est très dur, que j'ai pas beaucoup joué, mais qui est très très dur. Pis c'est weird, c'est Jim Lee qui a fait le cover. Ah oui? Ouais. Jim Lee, un des co-fondateurs de Image Comics, créateur de Wildcats. Wow. Et c'est lui qui a fait le cover du jeu. Je trouve que ça fit pas du tout. Ouais. Mais le jeu, il était différent. Il était plus. Il était pas genre isométrique. Ouais. Je pense qu'il poussait vraiment la machine à fond. T'avais comme des effets de zoom, de rapprochement. Je pense qu'il y en a un, tu cours sur comme une autoroute, puis une grosse bébite qui court après. Fait que, ok, ok. Ouais. Fait que le gameplay était différent de. Non, ça reste la même base. Okay. Mais peut-être que c'était avec un autre système, une autre manette. Ouais, ouais, ouais. OK. Après ça, y en a-tu un sur PlayStation 1? Oui. Ça, c'est l'air regrettable. Ah, ouais. Ben, c'est peut-être celui-là que Jim Lee a fait la cover d'abord. Non. Non? OK. Non. Il y a eu deux jeux au PlayStation 1, dont un au Saturn. On a Seed, Contra Adventure. OK. Puis Contra Legacy of War. OK, ouais. C'est deux jeux faits par un studio européen. Puis c'est insultant. Ah, ces jeux-là sont tellement insultants. Okay. Je pense que ça avait fait jouer il y a longtemps, mais... Ouais, ça me dit quoi? Ça avait essayé de faire le mot vers le 3D, mais on dirait vraiment des jeux qui sont tout simplement pas finis. Ah, heureusement, il y a des codes pour avoir des vies à l'infini, je pense. Parce que sinon, le jeu est contre moi parce qu'il fonctionne pas, parce qu'il est quasiment brisé. Fait que je les ai finis contre... Fait que c'est pas tough parce que c'est designé tough, c'est tough parce que c'est mal fait. Les deux. Ouais. Deux. Ok, je vois le genre. Ok. Ouais. Fait que c'était un peu de la curiosité morbide pour ça. Fait que c'était à oublier ces deux jeux-là. Puis je me rappelle qu'on n'a pas beaucoup parlé aussi de ces jeux-là, justement, à cause que c'était pas super bon. Là. Ouais, puis ça. Je pense qu'il y a un des deux qui a été sur le Saturn de Sega, mais. Ça a comme terni le nom, puis ça l'a mis dans les oubliettes pendant quelques années. Mmh. Ouais. Par la suite, il y a eu une résurrection. Oui, c'est ça. Là, on va parler de la renaissance. Oui. Bonnes années avec le PS2, puis c'est le fun parce qu'on va faire des liens avec la BD. Ouais. Parce que là, tu vois, j'ai les deux. Ah oui, mais c'est ça. Shattered Soldiers, puis Neo Contra. Fait que oui. Shattered Soldier, la pochette est de... Ashley Wood. Oui. Mon artiste préféré de tous les temps. Ah oui? Oui. C'est pas Rob Liefeld? J'aime beaucoup Rob aussi. Mais ça, c'est hallucinant. Ce cover-là, il est tellement beau. Et oui. Je me rappelle que quand il est sorti, moi qui est intéressé encore une fois plus par la narrative des jeux que par la technicalité, je me rappelle que la prémisse, je la trouvais tellement cool, c'est le bonhomme rouge. Il est devenu Berserk. Lance, ben là, ils ont donné un nom, mais c'est le bonhomme du premier contrat, là. Ouais. Et il n'y a qu'une personne qui peut l'arrêter, et c'est le Bill. Bonhomme bleu, le Bill, c'est ça. Fait que qui est là avec la cyborg. C'est ça. Puis ça, je trouvais ça absolument hilarant et drôle et engageant. Et c'est... Quand il est sorti ce jeu-là, c'était vraiment comme le retour aux sources qu'on attendait. Évidemment, c'est du 3D, mais avec un gameplay en side-scroller. Oui, tu peux juste aller de gauche à droite. Là. Il n'y a pas de profondeur. Mais il avait modifié des trucs dans le contrôle où tu pouvais comme rester sur place, mais tirer autour de toi, ou l'inverse, c'est-à-dire fixer ton tir, oui. Mais pouvoir reculer en même temps. C'est ça, en gardant ta trajectoire de tir. Oui. C'est ça. Oui, c'est un très bon jeu, puis c'est encore plus que les autres contrats, que c'est des patterns, puis là, il y a quasiment des... pas des vidéos, mais que quand un ennemi arrive, tu vois qu'il se déforme, ou il se défait, ou il s'en vient, fait que ça, c'est moins... c'est moins 100% comme adrénaline, ça arrête pas, là. Fait que t'as des petites pauses pour attendre de voir qu'est-ce qui s'en vient. Ouais. Mais toutes les ennemis, faut que t'es apprennes, fait que c'est beaucoup d'essais-erreurs puis de l'apprentissage, mais ça reste un très bon jeu, là. C'est ça. Encore plus qu'avant, celui-là, il est encore plus pattern-based. Oui. T'as pas le droit à l'erreur, faut exactement que tu sois ou positionné au bon endroit, au bon moment, sinon t'es dead. Mm-hmm. Toi, tu l'avais fait dans le temps qu'il était sorti? Moi, je l'avais joué exact quand il était sorti, mais évidemment, je l'avais pas passé. Mm-hmm. Puis je pense que je t'en avais parlé à l'époque, et là, toi, tu l'as trouvé une couple d'années plus tard. Ouais, plus tard. Puis là, je voulais jouer avec toi, mais t'étais vraiment à un autre niveau. Fait que, genre, j'avais juste l'impression de te faire perdre ton temps, là. C'était comme... Ouais, ben c'est ça, c'est moins accessible comparé au vieux jeu que... Soit tu l'as pas, ou soit tu le connais. Ou soit tu c'est le exact, connais. C'est vraiment ça. Faut que tu le connaisses, le jeu. Fait que, tu sais, je pense qu'il est vraiment un jeu exceptionnel, puis il est très, très bien fait. Mais tu peux pas improviser. Tu peux pas arriver puis faire comme, ah, on s'essaye une game, tu sais. Ouais. Tu vas te rendre vite compte que au deuxième niveau... T'apprends en improvisant, oui. Ouais, c'est ça. Ouais. Mais je me rappelle de ton anecdote avec ton collègue du temps, Megaphil. Oui. Qu'il l'avait, puis que, genre, à chaque nouvelle journée de job, il disait, ah ouais, il passe la fin, là, j'ai une troisième forme, finalement, ouais. Puis là, toute la semaine, jusqu'à 8 formes. Exact, ouais. Puis il n'y a pas, genre, un tableau secret, si t'as tout passé à S+, tu débloques un level qui n'est pas accessible. Ouais, peut-être, ça fait longtemps. Mais toi, tu t'es dédié, là, à ce jeu-là, là, tu as donné. Je l'ai passé, puis c'est ça fait longtemps qu'il était dans mon tiroir, je l'ai sorti, puis justement, j'avais oublié certains patterns, puis j'ai comme crevé assez tôt, là. Ouais. Fait que... Puis vraiment beau côté design, ouais. Les ennemis, tu sais, c'est vraiment la continuation spirituelle de Alien Wars, dans le sens, c'est hardcore, les créatures sont absolument dégoûtantes. Toujours une forte inspiration de Giger avec comme du gros métal, puis du gros béton. Ouais, puis des aliens super weird, démoniaques. C'est vraiment... moi, je trouve que c'est l'approche esthétique parfaite pour ce genre de jeu. Oui. Toujours avec une espèce de brun, jaune, sépia. Pas le fun. Ouais, tout est sale. Ouais. C'est un futur qui a pas de l'air cool. C'est dégoûtant. T'sais. Donc, re-bienvenue, on a pris une mini-pause et on est accompagné de mon grand ami Israël. Salut la gang! Qui est notamment un punk rocker, mais aussi un fucking gamer, t'as genre une petite collection chez vous de... Tout à fait, oui. J'ai cru comprendre que vous parlez de contrats aujourd'hui. C'est ça, puis t'as-tu tous les contrats chez vous? Loin de là, il y en a beaucoup, tu sais. Il y en a genre le 4 ODS, puis des affaires de même, j'ai pas ça. Pis Zéro parlait de ça. N'avais-tu un sur le Game Boy? Il y en a c'est quelque chose. Opération C, je pense. Oui, il y en a deux sur le Game Boy, il y en a au Game Boy Advance. Puis c'est plate parce que Contra Rebirth, qui est juste au Wii, mais qui a l'air un successeur spirituel de Contra 3 Super NES, qui a l'air vraiment bon. Ouais, c'est un WiiWare. Ouais, c'est ça. Ouais. Mais t'sais, pour... C'est plate, ces jeux-là, qui les WiiWare... On peut pas avoir accès nulle part. Je pense que même les consoles post-Wii ne supportent pas certains jeux. Genre, tu peux pas jouer ça à Switch. Fait que, tu sais, ils ont fait un nouveau Blaster Master, c'est perdu dans brume. Ouais. C'était Contra-là, ils ont fait un Castlevania, un nouveau... Tout perdu. Ouais, ok. Tu sais, le jeu existe, il pourrait juste le porter. Ouais, il pourrait juste le porter, mettre des trophées dessus, je sais pas quoi, PlayStation, vendre ça 10$, tu sais. Tout le monde achèterait. Nintendo, ils veulent pas faire ça. Je sais pas si c'est Nintendo. Ouais, sûrement qu'ils ont un embargo ou quelque chose de même, je sais pas. Ok. Je veux pas dire des informations qui sont fausses. Mais ça a l'air compliqué, Nintendo, là. Ça reste tout le temps comme. Ok. Mais ok, fait qu'il y en a plein dans le fond qu'on n'a pas parlé, là. Non, genre celui ODS que je mentionnais tout à l'heure, il a l'air super le fun. Tu te promènes dans l'écran d'en bas, puis des fois, il y a des ennemis qui sont dans l'écran d'en haut, puis tu tires par en haut, puis... Nice! Mais jamais essayé. Ah, mais c'est hop, hein? Ouais, c'est cool. T'as-tu... Là, on vient de parler de... On était rendu à la PS2, est-ce que tu connais... J'ai pas joué à la PS2. Shadow Soldier, puis Neo Contra. Sont-tu encore en side-scrolling? J'imagine que oui. Oui, le premier, c'est vraiment le fidèle aux origines. Le 3... Le Neo Contra, c'est un peu... Vue de haut, trois quarts. Puis c'est ça, je me suis trompé tantôt, c'est celle-là que le cover est. C'est ça, Jim Lee. Ça c'est Jim Lee. Et je trouve ça atroce. Je trouve ça vraiment... T'aimes pas ça, non? Non. Non. Je trouve ça tout pas partout. Contrairement à l'autre, qui la pochette est fucking malade. Là. J'aurais un poster de ça chez nous, ou un art book juste de ça. Je trouve ça net. Mais le gameplay, c'est ça, ils l'ont changé. Un petit peu, c'est ça. C'est plus rapide, je te dirais. Celui-là, il est plus facile. Il est plus court. Puis je pense qu'ils sont vraiment allés vraiment dans le over the top. Là. C'est-à-dire que t'as un niveau où tu commences, tu cours sur les... sur comme les hélices d'un hélicoptère qui roule, tu utilises des bombes dans les airs. Plus tard dans le niveau, tu te bats comme un colonel semi-nazi qui est un chien. Fait que okay, ça va partout, là. Ouais, c'est n'importe quoi. Là. Okay. Puis il y a des démons avec des faces de bébés dans les... C'est ça. Oui, oui. Ça, c'est un classique. Les hosties de bébites dans Contra sont tout le temps malades. Là. Même dans les premiers, là, les boss, là, t'as des hosties de design weird. Avec genre... Les gros aliens, les gros démons. Ouais. C'était bien cool. Ouais. Ah oui, c'était bien. Toi, t'es pensé, ça? Oui, oui, pour la plupart, je dirais. Là. Ceux que je possède, je les ai passés avec ou sans cheat. Ouais. Le premier, je le fais là, pas sans le code. Là. C'est ça, c'est des jeux qui s'apprennent quand mais, même. Mais c'est une des affaires que je trouve vraiment le fun avec la série Contra, c'est que c'est un entraînement, si tu veux, genre. Ouais. Oui. Nous autres, on est des gros focales, puis on s'entraîne pas dans la vie, mais c'est ça que tu fais quand tu t'entraînes. La première journée, c'est difficile. Moi, Contra, quand je me suis dit, je vais le faire sans le truc des centres de vie, ça me prend, j'en prends une semaine de le recommencer deux fois par jour, genre. Ah oui. Wow. Tu te rends juste un peu plus loin à chaque fois. Ouais. Je m'étais mindé à faire ça, je sais pas pourquoi. Fais-tu ça avec d'autres jeux? Après d'autres, quand j'ai acheté mon Nintendo que j'ai présentement, je l'ai acheté, j'avais 24 ans, mettons. J'ai acheté Blaster Master, j'ai toujours rêvé de le finir, puis ça m'a pris un bon mois. Wow. Je le faisais une fois par jour, je me rendais un petit peu plus loin, un petit peu plus loin, un petit peu plus loin. Okay. Des fois pas, là, mais... Pis, mais tu sais, pour Contra, c'est vraiment du catch, à un moment donné, c'est des patterns. Ouais, c'est tous des patterns, c'est ça. T'sais. C'est ça, il y a des safe spots, je te dirais, souvent, la plupart des boss. Ouais. Juste de savoir c'est où, puis de savoir quand sauter, timing. Mais c'est une danse. Il y a rien qui arrive de random. Il y a rien que... Tu sais, je pense, mettons, je sais pas, tu sais, Ninja Gaiden. Il y a des spawns, fuck out. C'est ça, il y a des bouts que, genre, même si tu prévois qu'il va arriver là, des fois, non. Puis, genre, le petit d'aigle qui te pogne tout le temps... en mid-jump, pis, mais ça arrivait pas dans le contrat. Fait que, tu sais, je catch que, comme tu dis, c'est un entraînement qui m'a amené à force de le faire, ben, tu catches que, ok, Chris, je vais tout le temps aller là, pis etc. Tout est là pour que tu puisses apprendre et maîtriser le jeu, là. C'est pas le jeu qui va être contre toi, là. Mais, ben, pas de façon, là. Mais, Za, tu n'as-tu un préféré? Tu n'as-tu un que c'est comme, pour toi aussi ça? Ben, moi, c'est plus un et deux au... Ouais. Un préféré. 1, 2, 3, c'est. Ouais. Après ça, comment dire. Bon, on vieillit, hein. Puis, il beurre pas mal épais après. Tu sais, ceux-là, PlayStation 2, je les ai jamais joués. Le fait que c'était plus du pixel art aussi, ça garde un charme tout le temps, c'était ouais. Ça. Ouais. Il y en a un qui est au PlayStation 3 qui s'appelle Hard Corps Uprising. Oui. Qui est comme en animé. Il est en animé, c'est Axis Softworks qui font Blast Blue, puis d'autres. Ouais, des super beaux jeux vidéo. C'est ça, il y a pas le nom Contra dans le jeu, puis, mais c'est clairement un nom. Il y a une gimmick Contra. Il y a une gimmick cool. C'est ça qu'ils ont fait Alien Sphere, non? C'est pas Blast Blue. C'est le jeu de combat en animé. C'est le jeu de combat en animé. Ah, ok, genre Guilty War. Ouais, non, c'est Guilty War. Ok. Ouais. Puis, il y a une gimmick le fun, c'est qu'à chaque fois que tu meurs, tu ramasses de l'argent pendant que tu joues, puis à chaque fois que tu meurs, tu peux t'acheter genre un cœur de plus, ou bien tu peux t'acheter que tu peux tout le temps starter avec le spread gun. Ok. Fait que, t'sais, le jeu devient de plus en plus facile à chaque fois que tu le fais, juste parce que c'est comme un... Ça te donne des films. Comment t'appelles ça? Un roguelike, là? L'argent que tu meurs, mais l'argent que tu fais, tu gardes tes upgrades quand tu commences la game, genre. Ça, c'est drôle. C'est intéressant. J'ai une discussion avec G pis Marilyn. C'est devenu philosophique parce que j'étais comme, moi, ce qui me fait chier des jeux, c'est quand t'es pas bon, c'est plus tough. Pis meilleur que t'es, plus ça devient facile. Pis là, eux autres vont juste checker en voulant dire, mais... comme dans la vie. La vie, c'est ça. Puis j'étais comme, non, hostie, c'est pas ça que je veux dire. Je pense à, mettons, Call of Duty, t'es poche, mais t'as rien. Puis il faut que t'investisses des heures en esti quand tu joues multiplayer avant de devenir up. Fait que là, c'est sûr que si t'as les scopes, hostie, puis t'sais, comme toutes les guns, genre, avec pas de recoil, puis whatever, ça va être plus facile de jouer, mais... ces gens-là qui ont toutes ces options-là... C'est parce qu'ils ont joué en tabarnak. C'est quoi. Ça veut dire qu'ils ont du skill en Christ, tu sais. Puis moi, j'ai tout le temps voulu, genre, faire l'inverse, tu sais. Le meilleur que t'es, le plus tough le jeu va être. je trouve que ça se balance mieux. Puis si ben, t'es poche, ben le jeu va un peu. Ouais, comme... mais tu sais, en tant que. Oh, là, on prend une tangente hors contrat, mais si tu fais un jeu qui est comme l'inverse de ça, genre, mettons que tu commences full gearé, puis plus que t'es bon, moins que t'as d'armes, ouais. Ben, recevoir des rewards, c'est une manière d'engager le player, puis de le garder avec toi, tu sais. Ouais. Là, tu risques de le perdre, mais il y a des jeux comme ça, comme, mettons, PUGB, je connais pas trop ça, tu sais, les jeux de jeunes, Fortnite. Ouais, comme l'autre. Parce que là, tu sais, c'est ça le but un peu, là, de te ramasser tout seul à la fin, fait que ça peut ouais. peut-être être intéressant ouais. pareil. Ben, c'est comme dans Street Fighter, qui tu disais, OK, tu sais pas vraiment jouer, ben, je vais mettre une barre, une étoile d'énergie, puis ben, ouais. Un gap, ouais. Ben t'adaptes à... Ah, ben, ça, c'est le fun. J'avoue que, ben, à cette époque-là, c'était vraiment le fun de faire ça. Ouais. Je pense qu'il y a peut-être moyen de moyenner, je retire ce que j'ai dit. Puis, tu sais, c'est drôle parce qu'il y a un jeu qui l'a fait, mais juste narrativement. Puis c'est Shadow of the Colossus. Évidemment, techniquement, dans le jeu, plus tu joues, plus t'as de stamina, puis plus t'as. Mais c'est un pas d'upgrade, genre d'armes, ou, tu sais, whatever. Puis même ton personnage, à travers l'évolution du jeu, tu sens qu'il devient de plus en plus décrissé, genre. Puis j'étais comme, ça aurait été cool que ça se reflète dans le gameplay, genre. Ouais, que le dernier boss soit plus facile juste parce que t'as deux cœurs, pas parce que... C'est ça, tu sais. Qu'à la fin, tu n'as plus de stamina, genre, t'es... Tu sais, je trouve que philosophiquement, genre, c'est intéressant, genre, de comme... Ouais, j'avoue. Jouer un jeu, plus t'avances, plus ton personnage est faible. Ouais. C'est un peu le reverse de tous les jeux vidéo, là, tu sais. Il y a de quoi d'intéressant là-dedans. Mais pas dans le contrat. Dans le contrat, ça n'arrête pas. On ramène. Ouais, ouais. Ça reste une balle, tu meurs. Ouais, ouais. Même, c'est ça, même dans les nouveaux, c'est ça. T'as jamais eu de oui. barre d'énergie, là. Non. Dans Hard Corps Uprising, il y en a. Ah ouais? Genre, tu perds tes armes, mais tu restes en vie. OK. Okay. Mais tu sais, je veux dire, faut y aller avec l'époque où ce qu'on est aussi, là. Les jeunes perdent patience. Si, ouais. S'ils meurent tout de suite, fait que. Ouais. Est-ce qu'il y en a après celui-là? Hardcore, non, je pense que c'est... J'ai vu rapidement tantôt sur YouTube, je pense que c'est un truc fait de façon indépendante, un étudiant en jeu qui a fait ça sur PC, mais non, Hardcore sur le PS3. Ce serait le dernier, ouais. Ouais. Que j'ai même pas, tu sais, comme j'essaie de l'imaginer, j'ai même pas d'image en tête. Je te le montrerai. On checkera ça sur YouTube. Ouais. Fait qu'allez faire vos contrats. Allez faire vos devoirs. La première fois que j'ai joué à Gears of War, j'ai vraiment eu le feeling de quand j'étais kid de jouer à Contra. C'est le même genre de setting. Visuellement, ça ressemble à ça. Des hosties de gros loups, genre des hosties de gros guns. T'as mis la base pour ça. Là. Et c'était co-op, mais simultané. Donc split screen. Puis on s'était loué parce que j'avais pas un 360 à l'époque. Mm-hmm. On s'était loué la console avec, genre, Gears of War, et on a fait le 1, 2 et 3, je pense. Puis, tu sais, pour vrai, c'était malade. C'était exactement le même feeling que quand on était kid. Évidemment, on laissait pas le Nintendo, suppose, pendant un peu de temps, là, mais... arrête-moi si je me trompe, mais ça, c'est des jeux de 10 heures, là, tu sais. Mm-hmm. Tu fais ça avec ton chum tu peux le faire en un sitting, si c'est tu veux, ça, c'est ça, tu sais, on le faisait généralement en deux soirées, c'était un jeu, on le passait au complet. Mm. Puis, je trouvais ça hot de faire que, c'est la suite un peu spirituelle de Contra, là, tu sais. C'est des très bons jeux, Gears of War. Ben, ça peut être intéressant de parler de ça, justement. Là, tu parles de Gears of War, c'est cool, mais il n'y a pas beaucoup de jeux qui émulent vraiment Contra. Ben ouais. Il y en avait plus à l'époque du Nintendo, évidemment, parce que tous les jeux, c'était juste ça. Ouais. Mais du vrai run and gun, qui n'est pas du Metroidvania, on voit pas ça souvent. Ouais. Ça serait quoi, genre, le... Je contre, genre le fantasme ultime. Ben, c'est dur à dire. J'aimerais ça. Je suis un peu douillet, fait que j'aimerais ça avoir more of the same. Justement, ouais. On parlait, je me souviens plus du nom de celui à la Wii, là, mais s'il pourrait le sortir, je vais pas essayer, tu sais. Ouais. Tu ressors ça sur PS4, ça serait génial. Là. Il dort là. Tu sais, moi, des contrats 2D, là, tu tues des gros boss, là, des nouveaux, là, juste. Je sais pas comment dire, je désire pas avoir un avec des skills que t'upgrades que c'est comme Metroidvania puis là faut que t'aies juste une bonne base, t'as des armes puis c'est tout là. Mais le monde ils refont beaucoup de Castlevania pourtant. Ouais, c'est vrai, c'est le temps de ramener Contra. Ouais. Avais-tu joué au Hardcore au Genesis? celui qu'il avait fait? Non, c'est pas faisable, je l'ai fait avec un Game Genie. OK. Bon. Quand je disais qu'il était dur. Ouais, il est dur, mais parce qu'il est comme il est broken là, aussi. C'est pas juste comme le jeu il est designé tough, mais genre. Ouais, c'est le fun. Tout croche. Il est fait tout croche, mais tu choisis ton bonhomme au début, c'est intéressant. C'est le fun comme les autres. Tu sais, moi je me gêne pas de tricher, soit avec des safe states ou avec des codes de vie ou des Game Genie. J'aime ça finir les jeux, puis quand je suis pas capable à m'amener, je pense qu'il n'y a pas de honte à le faire avec des cheats. Je sais pas vous autres, qu'est-ce que vous pensez. Ouais, surtout, ben, c'est ça. Les deux qui ont fait au PlayStation qui sont des abominations. Hey, j'ai même fait. Il y a des cheats justement pour avoir des vies parce que les jeux sont. Ils ont pas l'air finis. Là. C'est assez insultant comme type de jeu, mais je dirais comme Israël, comme retour aux sources. Puis... Moi, il y a un affaire. Ce qui est malade quand tu joues à Contra en coop avec genre un ami à côté, c'est qu'on se colle des affaires, genre, OK, va en haut, moi je reste en bas, tu sais, des genres d'affaires de même. Puis si tu pouvais genre, juste comme. Tu sais, comme. Pousser cette idée-là plus loin. Donc, moi ce que j'aime full, pis ça c'est le Neo Geo qui a amené ça, mais tu sais, l'espèce de zoom in, zoom out, là. OK. Fait que ce qui faisait chier, mettons, dans les tableaux verticaux dans le Contra, les premiers. C'est que, tu sais, si l'un qui se rendait plus loin, ça tuait l'autre. Mais un espèce de zoom out qui pourrait vraiment, genre, être loin, puis il y a peut-être même des tableaux complets que quelqu'un serait, genre, à l'extérieur, pendant que l'autre est d'une base, puis finalement, on se rejoint à la fin. Ouais. Mais trop, c'est comme pas assez. Faut que t'arrives à voir ce que tu fais. Oui, mais tu sais, comme, c'est quoi le jeu pixel art, là, avec toutes les action heroes. Bro Force. Ouais, ça fait ça un peu, tu sais, tu peux quand même, c'est juste que c'est des jeux ultra chaotiques, une game, ça dure 15 secondes, mais ce genre d'idée-là, je pense que ça fitterait pour Contra, puis ça serait comme un bel upgrade en gardant, genre, le gameplay d'origine, quand même. Ben là, tu parles, parce que c'est vrai, j'ai oublié de penser, mais le co-op fait beaucoup le charme de Contra, faut pas l'oublier. Peut-être une petite feature revive. T'sais, mettons que tu te fais toucher, ton bonhomme reste à terre pendant 4 secondes. Puis ton chum a le temps de revenir. C'est ça qui était cool de Gears of War. C'est ça, t'sais, genre, hey man, allez, pendant que ton chum il est en train de se faire tuer, genre, pis comme tu cours à travers, genre, full d'ennemis pour aller le sauver pis le relever. Il y a un petit beau feeling à ça. Fait que Chris, on le fait, les gars. Okay. Tout ce travail chez Ubi, là, ça se fait. Là. J'ai juste à écrire un email à Ubi. Mais... Ouais, c'est ça. On va faire ça. Okay, on va faire ça. Ben, parfait. On a l'idée. On va le faire. Prochain épisode de la carte. Nous recevons le prochain épisode de la campagne de socio-financement de Konami. Puis comment que le jeu il s'appellerait? Contrôle fun. Ouais, c'est bon, ça. Contre le fun. Contre le gars. On n'a pas encore fait de joke de contre le gars. Ben, fallait que j'aille. Vous m'attendiez. Fallait que tu la fasses, ça. Vous m'attendiez. Contre. C'est quel qui est arrivé en premier? Hein? Non, c'est Metroid qui est arrivé en premier. Ça s'appelle Contre, ça a crissement pas rapport. Il l'explique dans. Dans, je pense, Shadow Soldiers, t'as comme un. Dans le jeu, t'as comme un, une ligne du temps. Avec toutes les années, puis à la base, c'est comme un météorite qui arrive proche de l'Australie, je pense. Puis c'est Red Falcon, l'espèce d'organisation terroriste qui accueille les aériennes, puis ça. Puis Contra, apparemment, c'est comme une désignation pour les guerriers qui sont débattre puis se démerder dans des conditions de marre. Je peux pas croire que t'as pas checké ça sur Wikipédia avant de commencer ton podcast. Non, mais là, on le fait comme sans note, là. Ouais, non, c'est ça. Fait ça. Fait que c'est pas une affaire de genre, je te donne un contrat. Non, c'est ça. Faut que tu tues les méchants, c'est ça ton contrat. Ok, moi, j'ai tout d'abord juste à ça, là. Imagine la série s'appelle genre Bye. Ouais, c'est ça. Signer ton Bye. Exact, ouais, c'est ça. Bye hardcore. Ouais. C'est genre relevé d'impôts. T4. Ah, Chris, ça s'appelle de même. Contre T4. C'est bon. Bon, ben. Voilà. Ben voilà, c'est tout. C'est. À la prochaine, les amis. Ben oui, merci d'être venu, Zan. Ouais, pas de problème. Merci, Dome, de venir chez nous. Fait qu'on se fait un contrat bientôt. Ouais, puis c'est ça, je veux qu'on joue Alien Wars. OK. Parce que contrairement à Shattered Soldier, je pense que Alien Wars, tu as un petit peu plus de place pour improviser. Oui, oui, plus accessible. De savoir exactement tous les patterns. Ouais, ouais. À la fin, plus, là, mais... Ouais, puis est-ce que direct. Tous les contrats finissent que tu tires dans le cœur d'un petite grosse bébite puis qui pitch des araignées, genre? Non, mais... Tu tires dans une grosse bébite, là. Parce que tirer dans le cœur de quelque chose, c'est, je trouve ça... Ouais. T'as un esti de gros gun pis tu tires dans le cœur d'une bébite, man. C'est son cœur qui bat, là. Ouais. Okay. C'est le premier. C'est juste dans le premier, ça? C'est pas dans Alien Wars aussi? Il me semble qu'il y a ça dans le 3. Ouais, dans le 2, le cœur est comme remplacé par une grosse face, mais c'est comme le même principe. Ouais. Tu tires en diagonale pis... Là, t'es rendu à la fin. Fait que c'est même pas grave si tu meurs, genre. Tu prends les vies d'accumuler. Ouais, c'est ça. Pis la forme du dernier boss dans le 3, c'est le cerveau avec plein de choses. Ouais. Qui tourne autour. Là. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Ouais. Faites-vous vous avez le droit de jouer à Easy, je vous le dis de même. Ben oui. C'est cool. un entraînement, amusez-vous. Ouais, amusez-vous et jouez à Contra, puis écrivez-nous, là. Ouais. ou pas. Il y a 3 personnes qui écoutent ce podcast, mais c'est complètement ridicule. Ouais. C'est non, genre... mais je vais essayer de mettre sur iTunes. Ok. Ah ouais, j'en fais mon contrat. Est-ce qu'on remplit les. Est-ce qu'on est capable? Est-ce qu'on remplit. Ben oui, tout le monde met ça, là. Je vais être capable. Ok, bon. Capable. Cool. Bon, okay. On se revoit là, puis on vous tire droit dans le cœur. Ok, on finit ça avec du fucked up. Ouais. Salut. Ok, bye. I hate summer. I hate summer. I hate summer. I hate summer.